en Buenos Aires. Nosotros estamos llevando adelante un bachillerato popular. Los bachilleratos populares son un tipo de escuela que surgió a partir de la crisis del 2001. Donc à Buenos Aires, ils ont mis en place des écoles, alors qu'ils appellent comme le bac, mais donc ça doit être pour le second degré, hein, populaire, bachillerato popular, à partir des années 2001, qui correspondent à la crise économique en Argentine. En el año 2007 comienza un taller de educación libertaria en la Federación. En l'an 2007 a commencé un atelier d'éducation libertaire mis en place par la Fédération Libertaire. Y en el 2008 el taller decide comenzar un proyecto de bachillerato popular. Et en 2008 un atelier qui a monté un projet d'école populaire, école libertaire. Et de baccalauréat populaire, non? Oui, donc c'est toujours, ouais. Je pense, pour obtenir, en vue d'obtenir ouais. Le baccalauréat. Okay. Donc, quel est le niveau des apprentissages? C'est le baccalauréat comme finalité? Ou est-ce que vous partez dès l'enseignement primaire, apprentissage de la lecture, du calcul de base, des choses comme ça? Es una escuela secundaria con ouais. Título oficial. Pero como es para adultos, en vez de 5 años, se hace en 3, se hace más acelerado. Donc c'est une école secondaire et pour adultes et en 5 ans Lo regular es 5 años, oui. Pero como es para adultos se hace en 3 años, es acelerado. Ah oui. Donc normalement le cursus est en 5 ans, mais pour les adultes c'est accéléré en 3 ans avec en vue d'obtenir un diplôme. D'accord. Il y a combien de personnes qui sont passées par ces écoles populaires argentines? ¿Cuántas personas han ido a estas escuelas? Actualmente hay 30 y casi 40 alumnos y ya hay cerca de 40 alumnos que se han recibido de años anteriores. Donc, actuellement, il y a entre 30 et 40 élèves et l'année précédente, il y a eu entre 30 et 40 élèves qui ont reçu le diplôme. Pero ¿cuántos alumnos en todos estos años lo han contado, no? Sí, son cerca de 80 alumnos. 80, ah oui. Entre los que están ahora y los que ya terminaron. 800. 80, 800. On a dit 80. Ouais. Mm. Okay. Et quelle est la pédagogie que vous développez? Est-ce que c'est une pédagogie traditionnelle? Ou est-ce qu'au contraire, au-delà de cette militance éducative, vous essayez de mettre en place une pédagogie libertaire où les apprenants sont acteurs de leur éducation? ¿Qué tipo de pedagogía es? ¿Es una pedagogía tradicional o más libertaria, donde los alumnos son actores y sujetos de su educación? En primer lugar, un debate dentro de la escuela fue... Como la escuela está en la Federación, el primer debate fue si enseñar anarquismo o no enseñar anarquismo. Donc, en premier lieu, il y a eu un débat qui était un peu autour de la question, est-ce qu'on doit enseigner l'anarchisme ou pas enseigner l'anarchisme? Oui, d'accord, ça c'est un premier débat, mais est-ce que si on enseigne l'anarchisme... On ne fait pas découvrir l'anarchisme par les apprenants eux-mêmes. Donc, ce n'est pas enseigner l'anarchisme, c'est une pédagogie qui n'est pas libertaire. Sí, le parece que si se enseña el anarquismo, eso no es una pedagogía libertaria. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esos debates? Absolutamente, esa fue la conclusión. La escuela es libertaria, no porque se enseña anarquismo, sino porque es autónoma. Porque los contenidos y el funcionamiento se decide en asamblea de profesores y alumnos. Donc la pédagogie sera libertaire si l'école est autonome, les contenus et le fonctionnement discutés en assemblée entre les professeurs et élèves. Ah, est-ce le cas aujourd'hui? Es el caso hoy. Claro. Hay asambleas. Sí, sí. De lunes a viernes. De 2 a 7 de la tarde Donc l'école fonctionne du lundi au vendredi de 2h à 7h de l'après-midi. Ce qui no hay la mañana, por eso. Il n'y avait pas le matin, donc ça m'étonnait. Et los alumnos tienen clases. Donc là, c'est la classe des élèves. Y los sábados se comparte el almuerzo con una asamblea. Et le samedi, on partage le déjeuner avec une assemblée. Donde se deciden cuestiones de funcionamiento del bachillerato. Ouais. Et est-ce que c'est les apprenants? J'ai pas traduit ça. Donc, dans ces assemblées, on discute du fonctionnement et des contenus. D'accord. Et donc, ça se passe comme ça. Et est-ce que qui participe à... Alors, il y a des travailleurs, des demandeurs d'emploi, j'imagine, comme apprenants? Sí, como alumnos hay trabajadores y quizás personas paradas, ¿no? Sí, sobre todo hay trabajadores, señoras adultas que tienen niños. Donc il y a surtout des travailleurs et des femmes adultes qui ont des enfants. Esas personas fueron expulsadas del sistema educativo porque el sistema les pedía que se adaptaran a la institución. Ces personnes ont été expulsées du système ordinaire parce qu'on leur demandait de s'adapter à l'institution. En horarios, entonces las madres, las personas que trabajan muchas horas no podían adaptarse a una escuela. Les horaires, pour les mères en particulier, étaient très contraignants. Celles qui travaillaient ne pouvaient pas s'adapter à ces horaires. Y por eso la escuela libre busca... encontrar dispositivos, métodos para poder adaptarse a los alumnos. Par conséquent, l'école libre essaye de trouver un fonctionnement. L'école libertaire, parce qu'en France, l'école libre, ça sonne pas bien. Excuse-moi, libre, ça fait bizarre, oui. Ça rappelle plus l'école confessionnelle, donc c'est pas du tout le cas. Donc, l'école a mis en place, essaye de mettre en place le plus possible un ajustement aux horaires des gens qui travaillent, notamment des femmes. Et l'équipe pédagogique est constituée de qui? Sí, que hay en el equipo pedagógico. Bueno, tenemos muchos profesores, por suerte. Cerca de, en promedio, 3 profesores por cada clase. Además, Y donc, il y a à peu près 3 profesores por chaque clase. ¿Y cuántas clases? Y son 12, 13 clases. Ah, oui, donc 12 o 13 clases. Biología, física, todas las clases regulares de cualquier escuela. D'accord. Perdón, entre los profesores, la mayoría se reivindican anarquistas, pero hay otros profesores que no se reivindican anarquistas, pero que quieren estar en una escuela que sea autogestiva, que sea libre, que sea asamblearia. Donc la plupart des professeurs se réclament de l'anarchie. Et inversement. Mais il y a... oui, c'est pas sûr. Et il y en a d'autres qui n'y sont pas, hein, mais qui souhaitent travailler dans une école autogérée, donc avec un autre fonctionnement. C'est plutôt des jeunes gens ou des professeurs qui sont titulaires ailleurs et qui font quelques heures dans l'école libertaire de Buenos Aires? ¿Hay más jóvenes o son profesores que ya tienen cursos en otros lugares, otras escuelas? Es muy variado. Hay estudiantes de profesorados, hay profesores que ya hace mucho tiempo vienen trabajando, o sea, tenés profesores de 20 años, profesores de 50 años, es muy variado. Entonces es muy variado, hay profesores de todos los âges. D'accord. Et y a-t-il des gens qui sont salariés par l'école ou est-ce que tout le monde est militant comme enseignant? Hay profesores que son salariados pagados por la escuela o son militantes? No, los profesores son militantes. Además, ellos piensan que si uno recibe el salario del Estado, pierde autonomía, pierde capacidad de decisión. Donc non, les professeurs ne sont pas salariés et en plus c'est un choix puisqu'ils pensent que à partir du moment où ils deviendraient salariés de l'État, ils ne seraient plus libres de leurs décisions. Actualmente, El gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere obligar a todos los bachilleratos a recibir el salario. Donc, actuellement, le gouvernement de la ville de Buenos Aires veut obliger toutes les écoles à payer et à salarier ses enseignants. Y esto implica también que va a ser el gobierno el que decida, el que elija a los profesores en un tribunal. Mais cela impliquerait que ce serait le gouvernement qui choisirait les professeurs en el tribunal. Que... En un tribunal es una junta del gobierno para elegir a esos profesores. Voilà, donc dans un jury, une commission qui désignerait les professeurs. Donc, ne pas avoir de salariés, c'est la garantie de l'autonomie de l'école de Buenos Aires. Es la garantía de la autonomía de la escuela de Buenos Aires no tener salarios. Sí. El hecho de no tener profesores salariados, ¿no? Sí. Dice. ¿Te parece una garantía para la escuela de tener No la única, pero ahora es un conflicto y nosotros decidimos en este conflicto, que es el conflicto actual, lo que está pasando ahora, que nosotros no queremos elegir a los profesores y por lo tanto, además es un trabajo militante y por lo tanto no nos interesa el salario. Donc ce n'est pas la seule façon de rester autonome par rapport au gouvernement, mais c'est un conflit actuellement. Et donc ils ont fait le choix de, ils veulent faire le choix de leurs professeurs et donc de ne pas être salariés. Les autres conditions de l'autonomie de cette école, c'est quoi? Tu dis, il n'y a pas que le fait de ne pas avoir de salariés de l'État ou de la ville. Quelles sont les autres? ¿Cuáles son las otras condiciones para hacer la autonomía? ¿Qué permite? ¿Es reconocida la escuela? Que... La escuela tiene un título oficial. Y bueno, como tiene un título oficial, tiene que al exterior tener una estructura. Pero esa estructura es solamente al exterior. Donc l'école a une reconnaissance officielle et pour cela elle doit avoir une structure extérieure dans laquelle elle va être reconnue, mais ça semble un peu juste un point d'appui, ça ne correspond pas vraiment à grand chose de réel. Un professeur, pero ese, por ejemplo, hay un director, pero no es un cargo real. Ese director tiene que cambiar cada año y tampoco tiene una función real de director. Donc, par exemple, ils ont donné le nom d'un directeur, mais il n'en a pas vraiment la charge. Il change tous les ans le nom et il n'y a pas un seul directeur. Ouais. D'ailleurs, tu as sur toi un t-shirt qui vient de l'école, je crois, avec un slogan. ¿Qué es que hay escrito sobre ese t-shirt? Si puedes leernos lo que tienes en tu camiseta. Ah, bueno, la escuela tiene talleres. Entre esos talleres tiene un taller de serigrafía. Ah, l'école a différents ateliers et il y a notamment un atelier de sérigraphie. Los talleres no son solo para los estudiantes y las estudiantes. Los talleres son abiertos a todo el barrio. Les ateliers ne sont pas seulement ouverts aux étudiants, ils sont aussi ouverts au quartier. Y los alumnos hace tres años hicieron un proyecto de remeras para pagar su viaje de estudios. Un proyecto de remeras. Camisetas. Donc, il y a trois ans, les élèves ont eu un projet, le projet de faire des t-shirts pour payer un voyage. Y ellos decidieron un slogan para la escuela. Ils ont décidé eux-mêmes du slogan pour l'école. Y ese slogan se convirtió ahora en el slogan de la escuela oficial, de alguna manera. Y es devenu maintenant le slogan officiel de l'école. ¿Qué es? ¿Puedes quitar tu pelo? Sí. ni amo, ni patrón, ni director, escuela libre de constitución. Alors, ni maître, ni patron, ça je pense que tout le monde a compris, ni directeur. Aussi, d'ailleurs. voilà. École libre, donc nous dirions libertaire, de constitution. Constitution et c'est le barrio. Ah, c'est le nom du quartier. C'est le nom du quartier où se trouve l'école. D'accord. Alors, donc, tu nous disais que cette école était une école sans Dieu, sans maître et sans directeur, on a bien compris. Quelles sont ses activités? Alors, je crois que tu as parlé de l'atelier de sérigraphie. Qu'est-ce que vous faites d'autre en dehors des enseignements généraux? Has hablado de un taller de serigrafía. Hay otras actividades en encontrar de los materias, los cursos generales. Sí, hay muchos talleres. Hay taller de cine, de teatro. Donc il y a beaucoup d'ateliers, du cinéma, du théâtre. Cocina, cuisine, electricidad. Électricité. Bueno, serigrafía. Serigraphie. Acrobacia. Acrobatie. Yeah, esos son los que funcionan ahora. Voilà, ce sont ceux qui fonctionnent en ce moment. Voilà. Et ces ateliers sont animés à la fois par les stagiaires eux-mêmes et puis des, entre guillemets, professeurs. Están animados por los profesores y alumnos también. Bueno, por ejemplo, el de serigrafía que yo participé, el profesor primero mostró la técnica y ayudó a los estudiantes a hacer la técnica, pero después eran los estudiantes los que tenían que hacer la técnica de serigrafía y después de todo ese proceso de hacer, ellos escribían la teoría de cómo es la técnica de serigrafía. Donc, par exemple, dans l'atelier de sérigraphie auquel elle a participé, Maribel, c'est d'abord un professeur qui a montré la technique et après avoir acquis cet apprentissage, les élèves eux-mêmes ont dû écrire la technique qu'ils ont utilisée pour pouvoir eux-mêmes la retransmettre. D'accord. Mais alors, autre élément dont j'ai cru comprendre l'existence dans le monde libertaire, il y a eu un article, il y en aura sans doute d'autres, sur cette question de l'école de Buenos Aires, au mois de février, on prépare ça. Est-ce qu'il y a des diplômes qui sont délivrés? S'il y a des diplômes, est-ce qu'ils sont reconnus par l'Académie argentine? Entonces, ha habido un artículo en El Mundo Libertario, que es el periódico de la Federación Anarquista de Francia, y luego habrá otro en febrero. Y la pregunta es, ¿hay diplomas que están deliberados y son reconocidos o no? Sí, el bachillerato entrega un título oficial. Donc oui, le bac est devenu un diplôme officiel. Actualmente, bueno, el gobierno está avanzando sobre los bachilleratos, quiere institucionalizarlos. Le gouvernement, pero basando a este dicho, avanzando, como avanzando sobre. Ah oui, le gouvernement par rapport. Alors, je suis un petit peu perplexe parce qu'elle dit qu'il délivre des diplômes. Elle dit en avançant sur ce bac ou alors c'est après. Son los años después del bachillerato. No, me refiero a que, por ejemplo, el gobierno no quiere que haya nuevos bachilleratos. Ah oui. No permite la formación de nuevos bachilleratos. Voilà. Donc le gouvernement ne veut plus qu'il y ait de nouvelles formations pour le bac. Apparemment, il voudrait arrêter maintenant et ne plus délivrer ce diplôme dans cette école. Entonces, hay una solidaridad entre los bachilleratos populares y los bachilleratos que tienen título oficial tramitan, hacen el título para los nuevos bachilleratos que no tienen título oficial. Il y a une solidarité entre les écoles officielles et les écoles non officielles, libertaires comme la sienne, pour que ce soit les officiels qui délivrent le diplôme et qui le donnent aux autres. Qui est une espèce de reconnaissance mutuelle, je pense. Entonces, así los bachilleratos promueven que se formen nuevos bachilleratos, que surjan nuevos bachilleratos. Donc les écoles essayent de promouvoir de nouveaux baccalauréats. Voilà, toujours en compagnie de Marie-Belle, qui est une professeure, on dit ça comme ça, même si le terme est un peu connoté en France, dans une école libertaire à Buenos Aires, qui s'intéresse à la formation des adultes dans un quartier populaire qui s'appelle Constitution. Et le slogan de cette école, c'est « Ni Dieu, ni maître, ni directeur », puisque les tâches circulent entre les militants, qui sont la plupart anarchistes, mais pas seulement, et qui délivrent encore en ce moment un diplôme reconnu qui permet d'aller un petit peu plus loin. Marie-Belle, est-ce que vous avez pensé, au-delà des enseignements généraux, pas forcément aujourd'hui, mais dans le cadre d'un projet, développer aussi quelque chose qui renverrait à des apprentissages de métiers, comme mécanicien, électricien, boulanger ou couturière, quoi? Habéis pensado a unos talleres que podrían dar una profesionalización a la gente para ser eléctrico, qu'est-ce que tu as dit? Mécanicien, couturière, boulanger. Mécanico, a ver, no me acuerdo de nada. Sí. Panadero. Panadero. Hay talleres muy diversos. Entonces, hay talleres que podrían dar una formación profesional. Il y a des ateliers très divers, donc certains d'entre eux peuvent donner une formation professionnelle. Como el taller de serigrafía, de electricidad, el de panadería. Atelier de sérigraphie, électricité, boulangerie. Pero nosotros no queremos limitar a los estudiantes, queremos darles una oferta amplia. Mais ils ne veulent pas limiter les étudiants, ils veulent leur donner une offre très large. Por eso también hay talleres artísticos, de ciencias. Donc pour cela, il y a aussi des ateliers artistiques et de sciences. Okay. Et là, vous avez évoqué la question des langues vivantes pour pouvoir communiquer entre les étudiants de l'école et le monde entier. Vous avez choisi l'espagnol, l'anglais, l'espéranto. ¿Qué idioma habéis elegido para los alumnos y para comunicar con los del mundo? ¿Inglés, español, esperanto? Bueno, los alumnos tienen, las alumnas tienen una clase de inglés, pero sería espectacular, sería genial conseguir un profesor de esperanto. Si hay alguno escuchando que tenga ganas de dar, de enseñar esperanto en la escuela, pues bienvenido. Donc, les élèves ont actuellement un cours d'anglais, mais ce serait formidable d'avoir un professeur pour apprendre l'espéranto. Et l'appel est ouvert aux auditeurs de Radio Libertaire. Voilà, donc n'hésitez pas, écrivez 145 rue Amelot, on vous donnera les contacts avec la Fédération Libertaire Argentine pour éventuellement aller s'éduquer en espéranto là-bas. On a un peu évoqué donc l'école, son fonctionnement, et puis les diverses modalités d'atelier qu'il y a. Il y a une question que j'ai oublié de poser, c'est la gratuité. Est-ce que c'est gratuit quant à s'inscrire à cette école, ou est-ce qu'il faut payer ou participer à des tâches d'organisation? ¿Es gratuito la escuela o hay algo que pagar para la inscripción? Para los alumnos. La escuela es completamente gratuita. Bueno, sí, profesores y alumnos trabajamos para la gestión, para la autogestión de la escuela, haciendo fiestas, comida. Donc l'école est complètement gratuite pour les élèves et oui, ils préparent pour assurer l'autogestion de l'école, du lycée, des repas, des fêtes. Est-ce que c'est, alors, au lycée autogéré de Paris, les élèves et les professeurs participent effectivement à la restauration, participent au ménage et au petit entretien des locaux. Est-ce que c'est la même chose dans l'école de Buenos Aires, ou est-ce que les tâches sont encore un peu divisées entre ceux qui entretiennent et ceux qui enseignent? En el liceo autogestionado de París, todo el mundo participa en las tareas de la vida cotidiana y limpiando y todo. Y allí en Buenos Aires es lo mismo. Claro, la escuela pretende que no haya jerarquías, que no haya división alumno-profesor. Todos hacen todo. Todos participan de la asamblea, todos limpian, todos reparan la casa donde funciona la escuela. à Buenos Aires également. Donc, ils ne veulent pas de hiérarchie entre les différentes personnes et tous participent à toutes les tâches d'entretien, lavent, réparent et voilà. Et restaurent. Voilà. Voilà. Après avoir évoqué donc le fonctionnement de l'école, qui c'est Yama comment ? Qui s'appelle comment cette école ? Elle a un nom ? Comment se llama la escuela ? Escuela Libre de Constitución. Constitución es el barrio de la escuela. Si, okay. Voilà, donc l'école libre, évidemment, Libre-Berter, qui n'a pas la même connotation de Constitution, que qui est le quartier où se situe l'école. Voilà. Question plus politique, plus idéologique. Est-ce que cette école, c'est simplement un projet qui vise à éduquer ? Ou est-ce que c'est un projet qui vise à éduquer pour émanciper ? Esta escuela es un proyecto para educar o para emancipar? Para emancipar. La escuela busca alumnos activos que construyan su conocimiento, que participen activamente en la construcción de su conocimiento, que opinen, que debatan. Donc, c'est vraiment pour émanciper les élèves. Les élèves cherchent à ce que les professeurs cherchent à ce que l'élève soit actif, participe à l'acquisition des savoirs, débatte. Donc, c'est vraiment une école où on apprend à apprendre. C'est enseña a aprender. Claro, y a desaprender algunas cosas que aprendimos. Et on apprend également à désapprendre des choses qu'on aurait appris avant. Ça paraît être une bonne chose. Mais quelle chose, ça serait intéressant. Alors, je peux poser la question. Hein. Qu'est-ce qu'on apprend à désapprendre ? Que cosas tenemos que desaprender ? Bueno, por ejemplo, cuando los alumnos entran a la escuela, muchas veces porque un amigo del barrio les recomienda la escuela, o sus hermanos, ya hemos tenido, por ejemplo, tres hermanos de diferentes edades. Oui, donc, alors... Elle donne l'exemple de trois frères qui sont rentrés dans l'école. Et ellos piensan que es imposible que funcionemos sin dinero. Qui pensaient que c'était impossible de fonctionner sans argent. Entonces, bueno, ellos, por ejemplo, no quieren, a veces no les gusta limpiar no son cuidadosos con el material porque ellos piensan en la escuela, en el funcionamiento de la escuela estatal. Voilà, ils se remettaient dans une position un petit peu de consommateur, ne voulaient pas laver, ne faisaient pas attention au matériel, comme s'ils étaient dans une école de l'État. Y los docentes, que muchas veces hemos sido docentes en escuelas públicas o privadas, también tenemos que desaprender cuestiones autoritarias que traemos con nosotros, cuestiones de jerarquía de la escuela. Et on doit aussi désapprendre des réflexes de soumission à l'autorité, de reproduction de la hiérarchie. O sea, aprenden los estudiantes y también revisamos, o sea, revisan sus prácticas los estudiantes y revisamos las prácticas los docentes también. Ah, los docentes. Los docentes, los maestros. Que a la fois les élèves et les professeurs désapprennent le mode autoritaire qu'ils avaient acquis avant. Donc on y apprend la liberté. C'est apprendre la liberté, non? Sí, sí, claro. Oui, oui. Sí, y aprenden los estudiantes y aprendemos nosotros. Voilà, à la fois les étudiants et les professeurs. D'accord. Je crois que tu as un message d'une étudiante, d'une stagiaire, qui donne un petit peu l'état d'esprit de cette école et de ce qu'elle y a trouvé. Si tienes un mensaje de una alumna que da un poquito lo que ha encontrado ella de esta escuela. Sí, en el último número de la publicación de la Federación, varios estudiantes pidieron escribir y dejar. Dans le dernier journal dans le dernier numéro de leur publication. Qui s'appelle comment? Comment se llama la publicación? Libertario. Le Libertaire. plusieurs étudiants ont écrit. Y dejar, bueno, ellos dejaron sus impresiones sobre la escuela. Ils ont donné leurs impressions sur l'école. Este es un mensaje de Liliana, que es una de las estudiantes más grandes en edad. Donc c'est un message de Liliana, qui est l'une des plus âgées. Ella conoció la... ¿A quel âge, excuse-moi? ¿Qué edad tiene? creo que cerca de 50. Ah, elle a près 50 ans. Ella conoció la federación porque tiene tres hijos y sus hijos venían a las actividades que hacemos para niños en la federación. Elle a connu la fédération libertaire hein, parce que ses fils participaient à des ateliers qui étaient mis en place par la fédération. Liliana dice: primero quiero agradecer a los profesores. Donc d'abord, donc là c'est le message de Liana. Je veux d'abord remercier les professeurs. Por la ayuda que han tenido, por la ayuda, perdón, que me han dado. Ah, pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Entré a una escuela de adultos. Dans cette école d'adultes. Wow, Liliana estudiando, haciendo tareas. Waouh, c'est waouh, ouais, wow, comme nous, ouais, voilà, super quoi. Qui est contenta. Voilà, donc c'est Liliana, se voir elle, Liliana travailler dans un atelier. Bueno, mejor no acordarse de otros tiempos. Il vaut mieux ne pas se rappeler d'autres temps. ¿Qué puedo decir? Para mí, la escuela es lo más grande. Que puis-je dire? Pour moi, cette école est la plus grande. Me van a preguntar por qué. Et on va me demander pourquoi. Bueno, porque en ningún lugar me aceptan como una compañera más. Parce que dans aucun autre lieu on m'accepte comme une compagne, une camarade de plus. Ya sea por la edad o por las razones económicas. Que ce soit dû à mon âge ou pour raison économique. Todos por igual, eso y mucho más. Tous nous sommes égaux, cela et plus encore. Me gusta la buena actitud de los profesores, que sin ganar ningún dinero vienen cansados a dar clases. Donc j'apprécie l'attitude des professeurs qui même sans être payés viennent et même fatigués viennent travailler et donner des cours. Los extraño. Ya quiero empezar. Aunque tampoco quiero que termine el año. No ella está escribiendo esto durante las vacaciones de verano. Ah, sí. Por eso dice, extraño la escuela, ya quiero empezar. Ah, oui, l'école me manque, je veux recommencer, puisque c'est pendant les vacances. Hein. Et j'ai hâte d'y retourner. Aunque tampoco quiero que termine el año. Et je ne veux pas que l'année se termine. Porque este año, si Dios quiere, termino la escuela. Parce que cette année, si Dieu le veut, hein, c'est peut-être une expression, une façon de parler, j'aurai terminé l'école. Si, si. No quiero ponerme melancólica. Si, oui, je ne veux pas devenir mélancolique. Pero va a ser un triunfo. Mais je vais, ça va être un triomphe. Una batalla terminada. Une bataille terminée. Y triunfante con nuevos amigos y nuevos profesores. Et triomphante, une réussite avec des nouveaux amis et des nouveaux professeurs. Que seguro, si necesito ayuda, ahí van a estar. Il est sûr que même quand j'aurai besoin d'aide, ils seront toujours là. Por eso y por muchas actividades que mis hijos también hacen en la federación. Pour moi et pour mes enfants qui font beaucoup d'activités avec la fédération. Como el apoyo escolar, el merendero, entre otras cosas. Comme le soutien scolaire, les repas, distribution des repas et beaucoup d'autres choses. Ahí aprendimos, en la escuela ahí aprendimos lo que es la solidaridad, l'ayuda mutua y el cooperativismo. Donc là nous avons appris ce qu'était la solidarité, l'entraide et la coopération. La coopération, oui. Bueno, gracias nuevamente y ojalá este año termine la escuela en la FLA. Donc merci au professeur et j'espère avoir bien fini cette année mes cours et avoir réussi mes diplômes. Ouais. Dans le message de Liliana, on voit bien que effectivement au-delà du projet d'apprendre un certain nombre de choses relevant des savoirs. Il y a d'autres apprentissages qui se font. On évoquait la liberté tout à l'heure. Et Liliana parle bien de l'apprentissage de la solidarité, de la coopération. Quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Quoi. Sí. C'est bien ce message qui parle de la coopération, de l'aide que a tenido esta mujer, de la liberté. Eso transparece mucho en el mensaje. Sí. Sí, sí, es que nosotros creemos que el anarquismo no se enseña, pero sí se vive. Nous pensons tous que l'anarchisme ne s'enseigne pas, mais se vit. Ouais. Voilà. Donc on va peut-être terminer cette émission sur l'école de Buenos Aires, là, qui s'appelle École Libertaire, c'est l'école libertaire de Constitution, donc ce quartier de la capitale argentine, en te demandant, alors tu réponds si tu le souhaites. Sí, vamos ahora a dejar el tema de la escuela y ahora va a preguntarte algunas cosas si quieres responder. Sí. Et toi, dans cette expérience d'école argentine où tu interviens comme enseignante, qu'est-ce que tu as appris? ¿Tú qué has aprendido en esta experiencia? Bueno, yo aprendí que en toda mi formación dentro de las instituciones donc elle a appris que dans toute sa formation dans les autres institutions he aprendido vínculos autoritarios vínculos relaciones autoritarias elle a vécu des rapports autoritaires Creo que estoy, bueno, dentro de una sociedad que muchas veces es jerárquica, autoritaria. Donc je pense être dans une société qui est hiérarchique, autoritaire. Y junto a los alumnos, en la escuela, con los profesores, con las actividades con los niños, en la FLA, he aprendido a ser un poquito más consciente de esto y a poder revisarlo. Et dans cette expérience d'école et de la Fédération Libertaire, la FLA, elle a pu devenir consciente de ça et essayer d'aller contre. Para intentar cambiarlo. Voilà, pour essayer de changer. D'accord. Ok. Tu nous as lu un extrait du Libertaire de la FLA, donc la Fédération Libertaire Argentine. Qu'il est un peu difficile de se procurer à Paris ou en France. Est-ce que l'école a un site internet ou un site électronique, là, je ne sais pas comment on dit, où les gens intéressés sur Radio Libertaire pourraient aller, pour peu qu'ils lisent l'espagnol, se renseigner et approfondir leur connaissance de cette expérience pédagogique libertaire ? A propósito del periódico El Libertario, que quizás será difícil de obtener en Francia, tenéis un sitio de internet donde podemos ir a... Sí, federacionlibertaria.org. Donc c'est federacionlibertaire.org. .org. Pas Argentina. .org. O-R-G. Si, O-R-G. Ouais, point .org. Libertaire ou Libertaria? Fédération, con C. Si, con C. Libertaria. Libertaria. Donc, fédérationlibertaria.org. .org. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour en savoir plus. Donc, c'est fédération ce avec un C. Libertaria.org. Voilà. Tu souhaites dire d'autres choses sur cette expérience pédagogique en Argentine ? Y en a-t-il d'autres en dehors de cette école de Constitución ? Dans d'autres quartiers de Buenos Aires ou dans d'autres villes de ce grand espace géographique ? ¿Tienes otra cosa que contarnos sobre esta escuela o sobre otras escuelas ? ¿Existen otras ? Que yo tenga conocimiento, otras escuelas que sean completamente autogestivas, no. No, elle ne connaît pas personnellement d'autres expériences qui soient complètement autogérées comme la sienne. Et des expériences proches ou qui vont vers l'autogestion. Y otras experiencias que tendrán algunos modos de autogestión. Bueno, entre los bachilleratos populares, algunos tienen alguna experiencia de autogestión en parte o de experiencia asamblearia con los alumnos. Donc, dans d'autres écoles populaires, il y a parfois des parties, certaines parties d'autogestion. Il y en a qui ont des assemblées, des assemblées d'enfants. Bon, bah, si tu ne souhaites rien ajouter, on va se séparer maintenant. On te remercie, Maribel. Sachant que je suppose que s'il y a des camarades qui vont à Buenos Aires, le quartier de Constitution est facile à trouver et qui peuvent venir vous rencontrer pour discuter avec vous de cette belle réussite pédagogique. Entonces, si no tienes nada que añadir, vamos a dejarnos ahora y te damos las gracias para tu participación. Y si hay gente que va a Buenos Aires, encontrará fácilmente el barrio de la Constitución. Sí, está en el sur y generalmente les van a advertir que es uno de los más peligrosos. Ah. Tiene muy mala fama por el barrio de Constitución. Donc, c'est au sud de Buenos Aires et en général, comme il a assez mauvaise réputation, on te dira c'est le quartier le plus dangereux. Pero para nosotros es un barrio donde pasan muchas cosas muy lindas. Mais pour eux, c'est un quartier où il se passe de beaucoup de choses et très sympathique, on va dire. Ah, merci Maribel et puis bonne continuation à Saint-Imier au congrès de l'International des Fédérations Anarchistes. Gracias Maribel y buena continuación en estos encuentros de Saint-Imier y con la Federación Libertaria. Muchas gracias. Salut. Salut.